pas raison pour faire tout bagage ça yo. Pour être tout petit carotte chargé avec zépine là dans. C'est pas sérieux. Pas que raison pour faire tout bagage ça yo. Et puis qui soit de qu'on fait pour lui comme ça. Son question de 3 fois par jour. 3 fois par jour. Oui, 3 fois par jour. 3 fois par jour. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. C'est ça seulement, pas quand on veut. Ça va vous. Bon, ma foute sermenté, ma sermenté quand même, ma foute sermenté. On m'attend de toute prière, pas jamais le mot Dieu. Mais prière pas, mais ça privé. Ma sermenté. Qui que ça soit comment? Qui que ça soit comment? Que la police bondit, donnez-moi votre affaire. Bon ma femme, ça dépend. Bon ma femme, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Pas ma femme, ça dépend. Tout à fait, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Pas ma femme, ça dépend. Pas ma femme, ça dépend. Tout à fait, ça dépend.